Chapitre 3. Élisabeth laissa reposer les rames et la petite barque vint accoster au bas des marches qui menaient au vieux pavillon de l'étang. Catherine et elle mirent pied à terre et attachèrent l'embarcation à la borne un peu rouillée. L'air chaud de ce jour d'été colorait les joues de Catherine et mettait une touche rose sur le teint si blanc d'Élisabeth. Les yeux des deux jeunes filles brillaient de gaieté, de saine animation. Élisabeth, qui avait souvent canoté avec son cousin sur la rivière proche de Morton Court, venait de donner à sa compagne une première leçon. « Vous avez de grandes dispositions, ma chère Catherine, » dit-elle tandis que toutes deux montaient les degrés. « Quand Horace viendra à Montparou, il faudra lui demander des conseils, car il est excellent rameur. « Vous ne savez pas encore à quelle époque aura lieu ce séjour ?»« Non, il m'a dit seulement au départ, je vous promets d'aller vous voir cet été dans votre Jura et nous ferons ensemble de bonnes excursions. Je serai bien heureuse de le revoir, il est pour moi comme un frère. » Elles entrèrent dans le pavillon. Sur la table de marbre gris qui en occupait le centre, Élisabeth avait préparé ce qu'il fallait pour faire du thé. Quelques vieux sièges trouvés dans les greniers du château étaient groupés autour. Catherine s'assit tandis qu'Élisabeth allumait le réchaud sous la bouilloire. Elles étaient toutes deux en robe claire défleurie, les bras nus, souples et finement musclés, ceux de Catherine un peu dorés, ceux d'Élisabeth d'une mate blancheur. « J'ai fait l'autre jour ces gâteaux dont vous m'aviez donné la recette, Catherine. Ils étaient très réussis, d'après Adélie, et j'ai également reçu un satisfecit de Damien, dont j'avais emprunté le fourneau et les ustensiles. » Élisabeth se tournait en souriant vers sa compagne. Celle-ci dit gaiement, « Il ne doit pas être prodigue de compliments, ce vieux glaçon. Mais vous avez peut-être touché son cœur racorni, Élisabeth. Vous êtes si charmante. » Et vos yeux, vos beaux yeux changeants, ma chérie, ils savent dire tant de choses. Eh bien, cela devrait me dispenser de parler, dit plaisamment Élisabeth. Elle s'assit près de Catherine, en face de la porte ouverte sur l'étang. Le soleil incendiait encore à cette heure le sommet des arbres, mais il n'atteignait plus qu'une petite partie de la pièce d'eau. La chaleur arrivait par bouffées encore brûlantes dans le pavillon. Catherine s'éventait avec le petit chapeau de paille blanche qu'elle venait de retirer. Élisabeth fermait à demi les yeux, un peu lasse de l'effort accompli tout à l'heure. Elle se sentait calme, détendue, presque heureuse. Ces 3 mois avaient passé avec une singulière rapidité. Elle avait beaucoup travaillé, elle avait eu, presque chaque jour, des rapports avec des habitants d'Aigueblanche. Catherine était devenue son amie, une amie discrète, affectueuse, qui se confiait volontiers, mais ne cherchait pas à pénétrer par effraction dans l'âme encore un peu close d'Élisabeth. Madame de Groussel se montrait bienveillante pour sa jeune cousine. Abel l'accueillait toujours avec une paisible joie. Quant à Willibald, eh bien, Élisabeth et lui s'entendaient fort bien. Ils avaient beaucoup de goûts semblables, leurs opinions se rencontraient généralement. Tous deux de caractère assez indépendant, de nature réservée, difficilement pénétrable, chez lui surtout, ils semblaient se comprendre sans parole. Jamais il n'y avait eu entre eux de retour vers ce passé où le jeune comte Rudengorst, fiancé d'Agathe, réprouvait avec tant de dédain la conduite de la petite cousine frondeuse et révoltée. En fait, ils n'avaient jamais prononcé le nom d'Agathe en aucune de leurs rencontres, soit qu'Élisabeth montât à cheval avec lui et Catherine, soit qu'elle le vit à Aigueblanche au cours des heures qu'elle y passait et à Montparou quand il accompagnait ou venait chercher sa sœur. Jamais le nom d'Agathe. Cependant, ils n'étaient pas séparés légalement et bientôt, elle allait venir passer 3 ou 4 semaines chez son mari. La respiration d'Élisabeth s'accéléra un peu. Revoir Agathe, son doux visage, ses yeux célestes, son sourire d'enfant. Entendre sa voix roucoulante, qui savait dire si ingénument les pires mensonges, les plus suaves méchancetés. À cette pensée, elle éprouvait à nouveau cette impression presque répulsive que lui avait toujours inspirée Agathe, que lui inspirait de même le petit Thierry, tellement semblable à sa mère. Était-ce à cause de cette ressemblance que Willibald se montrait si sévère, presque dur parfois, pour cet enfant, cependant docile et facile en apparence? Catherine, néanmoins, le disait sournoisement obstinée, disposée au mensonge, comme sa mère, avait-elle ajouté. Le calme s'éloignait d'Élisabeth, cédant la place à ce malaise qui venait de s'insinuer en elle au seul souvenir d'Agathe. Elle ouvrit les yeux, se leva pour verser dans la théière l'eau chaude qui bouillait. Catherine jeta son chapeau sur une chaise et prit dans une assiette une des brioches qu'elle avait tout à l'heure apportées à son amie. « Willibald viendra peut-être me chercher. Il a dû aller à Marshall pour ce nouveau fermier dont on lui a parlé. » « Il paraît assez content de la marche de son exploitation, » dit Élisabeth. Elle s'asseyait près de Catherine et prenait un ouvrage de crochet, une petite brassière pour le dernier-né d'une pauvre famille. « Oui, cela va beaucoup mieux depuis 2 ans. Il conduit son affaire intelligemment, ce cher Willibald, et il ne ménage pas sa peine. Oh, c'est un caractère, une volonté. Aussi, le domaine est-il bien relevé maintenant ?» S'il avait seulement épousé une femme capable de le seconder, elle soupira. Le crochet d'Élisabeth glissa un peu plus nerveusement dans la laine bleue. « Je fais de mon mieux pour remplacer ma pauvre maman qui a besoin de repos. Mais si je me marie un jour, quoique je me demande qui épousera une fille sans dot comme moi ?» Elle rit avec une insouciance un peu forcée. « Mais confions-nous dans la Providence, n'est-ce pas, ma petite Élisabeth ? Et travaillons en attendant le problématique époux. »« Je ne me marierai pas, » dit brièvement Élisabeth. Catherine la regarda avec une curiosité mêlée d'amusement. « Célibataire par vocation, vouée au service de l'art ? Vraiment, ce serait dommage, mon ami. Et après tout, vous avez le temps de changer d'avis. » Au dehors, on entendait un bruit de pas. Une des portes vitrées fut ouverte et Willibald parut sur le seuil. « Ah, te voilà, » dit Catherine, « tu arrives à temps pour le thé. » Élisabeth leva la tête. Son regard rencontra celui de ses yeux foncés où elle ne vit plus cette flamme secrète qui existait en eux depuis quelque temps. La physionomie de Willibald semblait tendue et sa voix avait une intonation changée tandis qu'il disait, en serrant la main d'Élisabeth, « J'ai eu assez vite fait de m'arranger avec ce fermier qui me paraît un brave homme. » Catherine dut sentir aussi quelque chose d'insolite car elle regarda son frère avec attention. Il s'assit tandis qu'Élisabeth se levait pour servir le thé. Un souffle d'air moins chaud entrait par la porte ouverte sur l'étang. Willibald regardait l'eau d'un sombre vert que le soleil maintenant quittait complètement. Un pli se creusait entre ses sourcils, un autre se glissait au coin de sa bouche, qui laissait tomber ses mots avec une sorte de glaciale indifférence. « J'ai rencontré tout à l'heure sur la route le télégraphiste qui m'a remis une dépêche d'Agathe. Elle arrive samedi. »« Ah !» dit Élisabeth. La tasse qu'elle présentait à Willibald faillit lui échapper des mains. Tout à coup, elle avait froid, froid jusqu'au cœur. Catherine, sans vergogne, fit une moue bien accentuée en murmurant « Ah bien, voilà une belle nouvelle, dans 3 jours. J'espérais, je pensais qu'elle ne viendrait que vers le 15 juillet, comme l'année dernière. »« Moi aussi, » dit froidement Willibald. Il s'accoudait à la table de marbre sur laquelle il avait posé sa tasse. Refusant du geste les pâtisseries que lui présentait sa sœur, il demeura un moment silencieux tandis qu'Élisabeth reprenait sa place et son ouvrage. Puis il se mit à parler d'autres sujets. À propos d'un ouvrage récemment paru, prêté par lui à sa cousine, il rappela des souvenirs d'un voyage fait l'année précédente en Italie avec un ami qui habitait Florence. Élisabeth s'y trouvait à cette même époque, ayant accompagné son oncle et sa cousine Alison. Elle aussi avait visité Florence, Sienne, Assise, puis, en dernier lieu, Rome, où sœur Montagu avait séjourné plus longuement. Tous deux s'animaient en évoquant les impressions ressenties. Élisabeth revoyait sur la physionomie de Willibald, cette physionomie volontaire qui se couvrait si facilement d'un masque de froideur, ce reflet d'une ardeur secrète qui lui faisait, à certains moments, soupçonner un foyer inconnu dans l'âme de son cousin. Parfois revenait à ses lèvres le sourire qui donnait à ce visage un charme si jeune quand l'ironie en était absente. Mais il y avait en lui quelque chose de forcé aujourd'hui. En lui et en Élisabeth. Catherine, dont la moue ne s'était pas tout à fait effacée, semblait absorbée dans des réflexions moroses. Ainsi, avant même d'être là, Agathe, la colombe, comme l'appelait autrefois Élisabeth, troubla-t-elle la paix de ces trois êtres au cœur sincère ?